Ce sont des balcons. Naturellement, ce ne sont pas les meilleures places. J'aime mieux les fauteuils d'orchestre. Après tout, il y a pire. Il vaut mieux avoir des balcons qu'aller au poulailler. Il faut dire que j'adore les spectacles. N'importe quel spectacle. Comédie, tragédie, drame, comédie musicale, spectacle de variété. Je suis une autre personne quand j'entre dans un théâtre. Quelle atmosphère! Les lumières du foyer, les ouvreuses vendant leur programme, la salle pleine de monde, la scène encore cachée par le rideau, les trois coups avant le lever du rideau, et enfin la pièce. Les décors du français sont toujours soignés, et naturellement, les comédiens et les comédiennes de la Comédie-Française sont particulièrement brillants, les meilleurs de toute la France, peut-être. Et je sais qu'ils vont être frénétiquement applaudis par les spectateurs à la fin du spectacle.